إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Là, Inch'Allah, comme on est convenu, après qu'on ait pris les règles du sacrifice, le fatawa de Cheikh Mohamed Mouzem, Inch'Allah, on va prendre une série de questions de fatawa, elles-mêmes relatives à Ahkam, Salat et les Rides, qui sont liées elles-mêmes à la Salat du Ride en soi, qui également, Bismillah Ta'ala, sera étalée sur deux audios. Kazalik, il y a une fatawa, Inch'Allah, qu'on va traduire. Directement. Si vous avez un ta'liq, on va le lire, Inch'Allah. Si on a un commentaire, on le fait. Lakin al-asl na wadiha. On précise que s'il y a des masaïls sur lesquels il y a khilaf, là on cite la vie choisie par Cheikh Mu'izzam, tab'an. Sans tawassou' fi al-mas'ala. Fi al-ghalib, yadhkur al-fatwa ma'a al-dalil. Son habitude. Quand il fait une fatwa, il sort le dalil qui va avec. Tayyib. فسئل أولا حفظ الله تعالى ما حكم الاغتسال للذهاب لصلاة العيد c'est quoi le jugement quand on fait de se laver faire le ghusl pour la salat du عيد il dit à la base cela c'est mustahab tous les hadiths qui ont été cités sur le sujet ils sont faibles très faibles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl pour les deux عيد et son istihbab son côté recommandé a été émis du fait que ce rousse, ce lavage permet de se nettoyer des mauvaises odeurs, des saletés et autres, tout ce qui pourrait nuire aux autres. Car le jour du Eid, c'est un jour d'assemblement. Les gens se rassemblent. Naam. Donc par rapport à ça, il y a ni le rousse, il y a comme mustahab. Il reste ni recommandé. Et la illa, la cause, c'est la même que le Jumu'ah. C'est la même illa. Le fait que les gens se rassemblent dans un lieu pour avoir un nu aux autres, on se lave. Et il fut rapporté d'Ibn Omar, radiallahu anhu, que lui, il faisait le ghusl avant l'Eid. Et après, il allait au Moussallah. Cela fut rapporté par Imam Malik, Al-Alawf al-Muwatta, et Ibn Abi Shayba, ou Ghaylim. Et également, il fut rapporté par An-Ali, radiallahu anhu, par Bayhaqi. قال أنا وسئل عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إذا شئت فقيل يا أمير المؤمنين الغسل الذي هو الغسل يعني المؤكد والمستحب فقال يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم العرفة أربعة donc Ali fut interrogé par rapport au ghusl il dit si tu veux tu te lèves tous les jours après le questionneur dit non je parle du ghusl qui est recommandé et certifié en religion. Il dit alors, le Jumul Jumu'a, Yom de Adha, c'est-à-dire le Yom de Eid Adha, Yom el Fitr, Eid el Fitr, c'est-à-dire le Eid après Ramadan, et Yom Arafah, le jour de Arafah. Il dit quatre occasions où le Rousl est fortement recommandé. Il y a un khilaf par rapport au Jumu'a, est-ce qu'il est wajib ou pas? En tout cas, ces quatre occasions, yani le ghusl est recommandé selon le kalam de Ali, radiallahu anhu. Parce qu'il a parlé de Zalika, là où a fait qu'un charsan, quand il a fait le jour où il a fait le jour où il a fait le jour où il a fait le jour où il a fait le jour où il maintenant, s'il venait à considérer ce qu'une personne se lave pour le lendemain, c'est le Eid, et qu'il ne constate sur lui rien qui amène à se laver, pas de saleté, pas d'odeur, ni rien. Est-ce qu'il doit quand même faire le ghusl? Il dit qu'il fait l'ozo, Inch'Allah, et cela lui suffira. Car le but en cela, c'est de se rendre au Eid en étant propre. Hada. Et de ne nuire à personne. Abada hada souila. Maza yustahab lahu. أن يصنع قبل أن يذهب إلى المصلى. أو أن يذهب إلى الصلاة. Qu'est-ce qu'il lui recommande de faire, c'est-à-dire aux musulmans, avant de se rendre à la salat? Il dit, حفظ الله تعالى, pour le Eid al-Fitr, le Eid qui est après Ramadan, il lui recommandait de manger les tamres avant de partir. C'est basé sur le hadith de Anas, radiallahu anhu, rawahu al-Bukhari, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من المصلى بل إلى المصلى حتى يأكل تمرات يأكلهن أفرادا وفي رواية يأكلهن وترا. Selon Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم ne se rendait pas au musalla, c'est-à-dire pour Yom al-Eid, Eid al-Fitr, sans qu'il ait mangé certaines dattes. Et dans une version, qu'il ait mangé une par une. Une version qui disait qu'il est mangé en nombre impair. D'ailleurs, souvent, les gens pensent que c'est trois. Il n'y a pas de dalil qui dit que tu en manges trois. Cheikh Ibn Hazm lui-même le dit, il a été interrogé là-dessus, il a dit il n'y a pas de dalil qui dit trois. Tu peux en manger trois, tu peux en manger cinq, tu peux en manger sept, ainsi de suite. Cheikh la sunna, c'est d'en manger un nombre impair. Attendez. Et je pense que dans les questions, vous voyez, il y a un décalage. Car certaines réponses viennent et d'autres plus tard. Là par exemple, là il a parlé de ce qui est moustahab de faire le Yom al-Eid. Là il a répondu Eid al-Fitr. Et plus loin, il a répondu Eid al-Adha. Donc là on va lire pour que ce soit lié, Inch'Allah. Donc il dit la différence entre Yom al-Eid fil al-Fitr ou Yom al-Eid fil al-Adha. Entre les deux Eid, c'est que justement le Eid al-Fitr, il commence à manger quelque chose, les dattes. Contrairement au Eid al-Adha, il ne mange rien. Il part sans rien manger, qui lui recommandait de retarder son repas, son déjeuner, afin qu'il puisse rentrer chez lui et manger de son adhiya, de sa bête qu'il a égorgée. Hada wa sunnah. Et ça, bien entendu, cela lui a rendu facile. Maintenant, si vraiment il a très faim, qu'il a du mal à supporter ou quoi. Ah ben si, il a le droit de manger. Là on parle de la sunna, qu'est-ce qui est moustahab pour lui. Et également du fait qu'il pourra égorger rapidement. C'est quelqu'un de... Il y a un qui est assez rapide dans le travail, il égorge vite, il coupe vite, il dépèse vite. Là ben si ça prend du temps, qu'il mange avant pour pas non plus tu vois, avoir trop faim. En tout cas c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il agit. Et la preuve de cela c'est dans le hadith de Bouraïda et de Aïcha et autres que eux. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل حتى رجع وأكل من أضحيته. Que le prophète صلى الله عليه وسلم ne mange rien jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il aille manger de son adhiya. Le hadith on l'a pris dans cette question auparavant sur أحكام الأضحية. سئل كذلك لماذا سمي العيد عيدا. Quoi est-ce qu'on appelle ça عيد عين يا دل. قال الجواب ما اعتاد الناس عليه باجتماع والصلاة أو شيء يعاودوهم في كل عام يسمى عيد. Donc c'est les choses sur lesquelles les gens sont accoutumés, dans lesquelles ils se rassemblent, ou pour une salat, ou une chose qui se répète chaque année. Cela appelé عيد. Yani c'est une cause de langue arabe. En français on ne peut pas trop comprendre. À la colline. Donc ça rentre dans l'adoration. C'est pour ça que, comme Cheikh Issam Taymiyyah, Rahmanallahu Ta'ala, il dit que on ne peut pas inventer d'autres fêtes que celles qui sont citées par l'islam. Si nous rentrons dans la ibadah, ça deviendra quoi une bid'a. Eid, les ayats qui sont de l'islam, Inch'Allah, ça va venir. On ne peut pas en inventer une. Comme les koufars qui inventent plein de fêtes. La fête des mères, la fête des pères, la fête de la grand-mère, la fête de la musique. La fête de Kaza, la fête de Kaza, la fête de Kaza. Si nous on fait sans l'islam, on tombe dans la bid'a. Également dans le tashabbuh bi kuffar, on le ressemble. Nous, nos a'yad sont décrétés par la religion, on n'en a pas plus. Thumma su'ila hadha al-an, kam lil muslimin a'yad. Combien les musulmans ont-ils de Eid, de fête? 10 en ont 2. Eid al-Fitr, qui est après Ramadan, ou Eid al-Adha. Et Ayyam Tashriq, les Yom de Tashriq qui suivent Eid al-Adha. Également, certains ont mis dedans Yom al-Arafa. Lakin également, là le chien ne le cite pas, mais يوم الجمعة جاء كذلك أنه يوم عيد كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجهلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. Que le prophète صلى الله عليه وسلم sur Abu Huraira il aurait dit que le jour de Jumu'a est un jour de Eid. Donc ne faites pas de votre jour de Eid un jour de siyam, de jeûne. Rapporté par Ahmed. Non. Donc on n'a pas rajouté de ayad. Nos ayad sur celle-là sont décrétés par la religion. ثم سئل ما حكم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى. Le fait qu'on est-il de jeûner ces deux jours-là, les jours du Eid. Là, quand on dit Arkam al-Eid, c'est les deux ensemble. Hein. C'est Eid al-Fitr ou al-Adha, c'est les deux ensemble. Et quand il y a une différence entre les deux, elle est citée. À la base, elles ont les mêmes règles. Quand il y a une différence, elle est citée, Inch'Allah. Il répondit qu'il est interdit, avec Ijma', unanimité, de jeûner ces deux jours-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et d'ailleurs, celui qui jeûne ce jour-là, son jeûne est, non seulement il prend un péché, mais en plus son jeûne, il est annulé. Il n'est pas accepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'énan nahi, taqtadi, al-fasad. L'interdiction implique l'annulation. Thumma su'ila, mata yabda'u waqtu salat al-idayn. Quand commence l'heure de salat? Il dit que leur temps commence à partir de quand? Quand le temps de la karaha, le temps où l'heure est détestable de faire la salat, cesse. C'est-à-dire, shuruq. Une fois que le soleil s'est un peu élevé dans les cieux, à partir de là, Inch'Allah, tu fais salat al-Eid. Avant cela, ce n'est pas permis car ce temps-là était un temps de karaha. La salat ne doit pas être accomplie. Et il dit que des ulama ont vu qu'il était recommandé que la salat Rim al-Adha soit avancé. Ça fait plus tôt. Et que celle de Eid al-Fitr soit un peu retardée. C'est un avis qu'ils ont. Pourquoi? Car Yom al-Adha, pour qu'ils puissent rentrer plus tôt et égorger. Faire sacrifice au plus vite et pouvoir en manger. Et Eid al-Fitr, il est recommandé de la retarder pour qu'il ait le temps de donner la zakah. D'accord? Donc là, c'est maslaha, par rapport à l'intérêt apporté. Et parmi les choses qui démontrent justement le fait qu'on peut prendre soin à l'intérêt, à la maslaha, il y a des délais au moment qui sont venus par rapport à ça. Comme le hadith, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna Poul Isha, lorsqu'il voyait les gens déjà réunis, il la faisait vite. S'il voyait que les gens tardaient, il la retardait. En fonction de la maslaha. Bien que le waqt mustahab pour le Isha, c'est il est muntasif al-layl, au milieu de la nuit. Quoi qu'il en soit, pour pas qu'il y ait des machakas sur les gens, sont trop durs, il l'a fait en premier rang. Mais s'il y avait les gens, par exemple, tardent ou quoi, il la retarde. Donc eux, ils se servent de ce genre d'adillah pour dire que par rapport à la maslaha des gens, on voit. Mais quand ils disent retarder le Eid, la salat du Eid, c'est de peu. Hein. C'est pas non plus l'entente d'une heure ou de deux heures. Peut-être, je sais pas, à l'alam, une demi-heure à peu près. Donc il dit le fait de regarder la situation des gens, il n'y a pas de mal. Ça ne contredit pas la sunna. La baisse habite à l'Ika. Fasu ila, لو علم الناس وانه عيد وهم في الضحى الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا ماذا عليهم. Si les gens se rendent compte que c'est le jour du عيد, et c'est à l'heure de Doha, vers les 9 ou 10 heures, bien après le shuruq. D'accord? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il dit, ils sortent, à ce moment-là, ils font la salat. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu peux la faire même un petit peu après. C'est pas un problème. C'est pas directement après le shuruq que tu la fais directement. Tu peux même la repousser un petit peu après, m'avicher. Tu peux la faire tout le temps, du shuruq jusqu'au. Avant le zénith, Zawal al-Shams. Tu peux la faire à ce moment-là. Mais la solution, c'est de la faire en début. Thumma sawila, idha lam ya'lamu annahu yawm al-'eid, il est bad al-zawal. Si jamais ils ne savent pas, ils n'ont pas su que c'est le jour du Eid, ils n'ont pas su les gens. Là, je pense qu'il fait allusion au Yom al-Fitr. Car tu sais, comme c'est un jour khilaf, comme c'est le premier jour du mois, avec la vision de la lune, certains la voient, certains la voient pas, les khilaf. Alors que le Yom al-Adha, généralement c'est ma'alouf. Le Yom al-Adha, c'est tout le monde le sait. Mais ça arrive souvent, ouais, ça peut arriver, Yom al-Eid al-Fitr. Non. Donc il dit que si jamais par exemple, ils se rendent compte que c'est Yom al-Eid ce jour-là, alors qu'ils ne savaient pas, alors ils rompent leur jeûne, ils arrêtent le jeûne. Ça c'est après le zénith, hein. Et qu'ils font le Eid, la salat du Eid le lendemain. Ce jour-là, ils arrêtent de jeûner, ils mangent, la salat du Eid, ils la font le lendemain. Et c'est quoi le dalil? C'est le hadith de Abi Umair. Qalu inna rakaban atawa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa shahidu annahum ra'u al-hilal bil ams fa qala ya bilal mur an-nas an yafturu wa idha asbahu an yakhudu ila musallahum fa aftaru wa qamu ba'd al-ghad aw qamu min al-adi wa sallu. Donc le hadith, c'est que des gens sont venus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont témoigné qu'ils ont vu la hilal. Ils ont vu le croissant de lune la veille, le jour d'avant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire à Bilal de dire aux gens de rompre leur jeûne. Et le lendemain, là ça s'appelle Zawel, le lendemain de faire la salat du Eid. Et ce qu'ils ont fait. Donc on en conclut que la salat du Eid ne peut être accomplie après Zénith. C'est que le matin. Waqt al-shuruq il est Zawel al-shams. Bada hada, la tu sallah. Tu akhar li l'ad. Tu la repousses au lendemain. ثم قال من تأخر عن الصلاة حتى ذهبت عليه الجماعة هل يصليها جماعة ثانية وما زال الوقت باقيا. Dit donc celui maintenant qui a été en retard à la salat du Eid, à tel point qu'il a raté la salat en jama'a avec les gens, elle lui a échappé, est-ce qu'il peut faire une deuxième jama'a tant que le temps il reste, c'est-à-dire avant le zawal? Il dit non, il peut la faire avec une deuxième jama'a si jamais il la trouve. Deuxième jama'a, il a fait avec eux. Wasu ila hal yajuzu an yusalliya munfaridan idha lam yajid jama'a. Il est-il permis de la faire individuellement la salat s'il ne trouve pas de jama'a, pas de groupe? Il dit pareil, oui, il peut la faire tout seul s'il ne trouve personne. Cette salat là, elle est obligatoire pour lui, c'est son avis. Maintenant la question vient par rapport à ça. Ma hukm salat al-Eid? Quel est le jugement de la salat du Eid? Donc il dit le rajih, car ce qui démontre un khilaf, c'est qu'elle est obligatoire. Pour la preuve de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a pris précédemment, que Bilal a ordonné aux gens. D'accord, le lendemain de faire la salat. Donc c'est un ordre. D'accord, c'est un ordre. Et également dans le hadith de Mu'tayya, fi sahihayn, qalat kunna nu'maru an nakhruja fil idayn hatta nukhrija al hayd. Donc Umutayya rapporta radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de sortir pour la salat des deux Eid, même les femmes qui ont leur menstrue, même les jeunes filles. Donc là il dit kunna nu'maru, nous étions ordonnés. Donc là cela démontre l'obligation et le hadith est authentique. Muttafaqun alayh. Et certains ulama ils ont vu que c'est un fard kifayi, que si certains le font, d'autres s'en passent. Mais le qawl il est ba'id. Ce qui est le plus proche, c'est que c'est l'obligation. Fard ayn. Illa l'innisa. Comme ça y'a-t-il, inshallah. Sauf pour les femmes. Comme ça va venir. Al-anjal suwal. Hal yajibu ala nisa'i an yusallina aw yakhrujna ma'an nas l'musalla. Est-ce qu'il est obligatoire aux femmes de se rendre au musalla pour faire la salat avec les hommes, avec les gens? Il dit, la réponse, c'est que l'ensemble des gens de science n'ont pas rendu cela obligatoire. À tel point que même Ibn Rajab, et je connais personne qui ait rendu cela obligatoire sur les femmes et qu'elles sortent. Elles sont également concernées par l'ordre de la salat. Le Eid, l'ordre de faire sa salat là, s'applique sur elle également. Là, la masala, la question c'est est-ce qu'elle sorte pour aller au musalla. Pour qu'il dise si jamais il aurait permis de possible de sortir de son musalla et ne pas être mélangé aux hommes, alors le font dans un lieu qui est propre aux femmes. Ça ne marche pas aux hommes. Sans m'exciter. Et si jamais ils ne peuvent pas s'y rendre, alors ils font à la maison. Et il dit que les ulama, ils ont compris de tout cela que pour elles, c'est mustahab qu'elles s'y rendent. Quant à Cheikh l'Islam, où il dit « Kod yukal bi wujub », il ne peut qu'on dise que cela est obligatoire pour la femme. Mais cependant, il se peut que ce soit retenu de l'imposer du fait qu'il n'ait pas trouvé le salaf, qu'il est devancé. En fait, on n'a pas trouvé de ulama qui disent que c'est obligatoire à la femme de sortir de se rendre au musalla. Malgré l'apparence des hadiths. Lakin pourtant aucun ulama ne l'a imposé. Donc c'est qu'il y a une raison, ou il y a une chose, peut-être par rapport à la femme des sahaba, qu'il faut que personne n'a dit à la femme que si elle ne sort pas au musalla pour faire la salat, elle a commis un péché. Il n'y a pas de sadaf qui l'ait dit cela. Et si le salaf aurait dit, ça aurait été l'apparent du texte, l'obligation. Et en même temps, un rappel, lors de la sortie pour Salat al-Eid, pour les femmes ou les hommes, comme cela est venu dans les hadiths, que les femmes doivent laisser le milieu du chemin aux hommes. Et elles marchent sur les côtés. Comme cela est venu dans différents hadiths. Les femmes ne doivent pas se mélanger et prendre la rue pour elles. Elles se mettent sur les côtés. Et elles laissent le milieu du passage aux hommes. هذا هو السنة العمل بالسنة ثم سويلة إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد هل تسقط الجمعة سيامي العيد إلى الجمعة طم لما مجوع هذا العيد طم مجوع الفضغدي est-ce que le الجمعة est annulé il dit il peut faire les deux il fait la salle du عيد et après le الجمعة d'accord cela lui est permis tout comme il peut délaisser le الجمعة s'il le veut. Par contre, si jamais il délaisse le Jumu'ah, il doit faire Dhor à la maison, ou le voit il peut, 4 rak'at, normal. La salat, elle n'est pas annulée. Ce qui est annulé, c'est le fait de se rendre au masjid pour le Jumu'ah, pour la khutbah et la salat. S'il veut, il fait chez lui, ou dans un jama'ah avec des gens, il fait 4 rak'at normalement, pour le Dhor. Par contre, la salat, elle reste effective, elle n'est pas annulée. Non. Mais apparemment, il y a des ulama qui l'auraient dit. Et quand on a la col ba'id ou da'if. Parole qui est loin, éloignée et qui est très faible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné 5 salawat tous les jours. Donc, tu as le choix, ou tu vas au Jumu'ah ou tu n'y vas pas. Quoi qu'il en soit, si tu n'y vas pas, tu fais salat devant. Et dit le plus proche de la sunna, c'est que le Jumu'ah soit accompli. Comme cela fait venir dans le hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجمعون ومن شاء منكم من جمع معي ومن شاء فليرجع qu'il a dit nous allons faire le Jumu'ah celui qui veut le faire avec moi qu'il vienne celui qui ne veut pas qu'il reparte laquelle اختيار tu as le choix و également il fait rapporter dans le hadith de Othman رضي الله عنه qu'il a fait la khutbah des gens comme cela fut venu dans le Sahih al-Bukhari il a fait le salat de Jumu'ah la khutbah il l'a fait Et il a dit إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن حب أن يبقى حتى يصلي معنا الجمعة ومن حب أن يرجع من أهل والعوالي فقد أذنت له فقد أذنت له Donc il a dit quoi Othman رضي الله عنه que ces jours-ci sont réunis deux عيد pour vous encore une fois que le Jumu'ah c'est un عيد Donc celui qui veut qui reste ici fait le Jumu'ah avec nous Celui qui veut repartir, qui reparte, je l'autorise. Et dans le Sahih de Muslim, selon Norman ibn Bashir, radiallahu anhuma, أنه كان يصلي في يوم الجمعة ويوم العيد بصب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Donc il est fait rapporter également de Norman ibn Bashir que lui faisait la salle du Jumu'a et du Eid. Il faisait les deux. Et lorsqu'il faisait le Jumu'ah, il lisait Surat al-A'la ou Surat al-Ghashiyah. Celles qui sont habituellement lues pendant le Jumu'ah. Donc les Sahaba l'ont fait ça. Ce qui est plus proche de la Sunna. Que le Jumu'ah soit accompli. Il citait d'autres preuves, toujours parmi elles le hadith d'Ibn Abbas dans le sunan de Abu Daoud, que Ibn Zubayr, yani le jour du Jumu'ah, avait considéré avec le vendredi, qu'il restait chez lui. Il n'a pas fait la salat avec les gens du Jumu'ah. Donc les gens sont partis voir Ibn Abbas pour lui dire cela. Donc quand Ibn Abbas asaba sunnah, qu'il a atteint la sunnah dans cela. Le comportement dont il a fait preuve, le choix qu'il a fait de ne pas venir, c'est la sunnah. Que tu as le droit de ne pas venir. Pour le Jumu'ah. Donc le khurasa, c'est que si un mille le Jumu'ah tombe un vendredi, tu as le choix. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais en tout cas, au minimum, tu fais le salat al-dhuhr. 4 rak'at. Chez toi, seul, ou en groupe avec des gens, si tu veux. Après, il dit, su'ila, ma ya kayfiyat salat al-mar'a. De quelle façon la femme fait la salat? De quelle façon la salat? Ah, de quelle façon la femme fait la salat? Tout simplement comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Elle fait 7 takbir dans la première rakat et 5 dans la deuxième. Et si elle peut sortir un moussolla, cela lui faisable, cela est meilleur également. Car ça, dans le moussolla, c'est la sunna. Et dans les masajid, ce n'est pas sunna de faire dans le masjid. Salat al-Eid, dans le masjid, ce n'est pas sunna. Mais parfois, tu peux être contraint de le faire. Par exemple, salat, si jamais il pleut, si jamais il fait très froid, ou c'est les jours de peur, par rapport à un ennemi, dans ce moment-là, il peut faire salat dans le masjid. Mais ce qui démontre que la base, tu ne le fais pas dans le masjid, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors que la salat dans son masjid a plus de valeur qu'ailleurs. Et malgré cela, il ne l'a pas fait. Non. ثم سئل إذا دخل المصلى هل يصلي تحية المسجد؟ Si jamais il rentre dans le musalla, est-ce qu'il fait les deux rakats de salutation? Il dit, il n'y en a pas, car là tu n'es pas dans un masjid, tu es dans un musalla. Donc tu viens, tu t'assois directement. Tu viens, tu t'assois directement. Car ta tahiyya al-masjid, elle est venue pour le masjid. Là tu n'es pas dans le masjid. Par contre, si tu viens la faire au masjid, comment tu fais? Là tu l'as fait. Là tu l'as fait. هل يبدا بالصلاه ام بالخطبه est-ce qu'il commence par la salat ou par la khutbah? Il dit qu'il commence par la salat, car c'est c'est l'action des musulmans basée sur les faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait par la salat avant la khutbah. C'est ce qu'ont fait Abu Bakr et Omar et Othman et Ali radiallahu anhum jami'an. Contrairement à ce que certains ont innové parmi les Bani Umayya, ils ont commencé par faire la khutbah avant de faire la salat. Pourquoi? Parce que eux aussi, parmi eux, parmi ceux qui ont fait cela, ils avaient pour but que dans leur khutbah, ils venaient pour insulter les sahabas. Et ils voulaient que les gens entendent cela. Pour les forcer à entendre, ils faisaient la khutbah avant la salat. Car ils savaient que s'ils faisaient la salat avant, les gens allaient partir. On n'a pas écouté. Pour les contraindre à rester à écouter, ils faisaient la khutbah en premier. La sunna, c'est la salat en premier. سئل متى يبدا التكبير والذكر في العيد à quel moment commence à faire le takbirat, c'est-à-dire Allahu Akbar, et le zikr pour l'Eid. Et déjà premier pour l'Eid al-Fitr, le plus proche, c'est après le Maghreb du dernier jour de Ramadan. Par exemple, si jamais c'est un mois de 29 jours, au Maghreb tu es dans le premier de Shawwal. Donc là, après le Maghreb, tu commences le takbirat. Si jamais c'est le 30, mais le lendemain, il n'y a pas le Maghreb كذلك. Après le Maghreb, يقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Avec que vous complétez le nombre, c'est-à-dire de jours par Ramadan, et que vous fassiez le takbir pour ce que Allah vous a guidé, afin que vous remerciez. Donc le takbir commence après que le mois de Ramadan fut complet. Et il finit quand? Après la salat du Eid. Le dalil, tout simplement, qu'il n'en a pas. Que les sahaba faisaient le takbir jusqu'avant la salat du Eid, et après la salat, ils ne le faisaient plus. Là, on parle, comme on a dit, Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Et un khilaf, on a dit que ça commence à partir du Fajr. Et d'autres qui disent à partir du Maghreb, de la veille. l'homme sahab. Donc c'est-à-dire Eid al-Fitr, le takbir, c'est du maghrib du premier Shawwal jusqu'après la salat du Eid. Après c'est fini. Par la salat c'est fini, il n'y a plus de takbir. Par contre, Eid al-Adha, il commence quand? Du matin, après le Fajr, du jour de Arafat. Le 9. Jusqu'à la fin, 3 jours de Tashriq. Au Maghreb, c'est fini. 3e jour de Tashriq, au Maghreb, c'est fini. Plus de takbirat. Et ça va faire apporter dans un hadith de Anas ibn Omar dans Sahihayn. Il précise que le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, ne doit pas se faire en cœur, d'une seule voix, tous en même temps. Et chacun de son côté le fait. Maintenant, si il arrive que ça coïncide involontairement, là, ben, c'est pas de mal. Mais si jamais le fait de le chercher à le faire volontairement, délibérément, chercher à le faire en cœur, ça c'est bid'a. Les sahabas ne l'ont pas fait. Il n'y a pas à le faire. Il faut lever les voix également. Il ne faut pas être timide. Il faut lever la voix. Le takbir, tu lèves la voix. Toujours parmi ce qu'il dit, que le takbir, à la suite de chaque salat, c'est une chose qui a été affirmée par beaucoup de sahabas qui faisaient le takbir après la salat directement. Ils faisaient la salat, dès qu'ils finissent la salat, ils faisaient le takbir. Et tout particulièrement pour l'Eid al-Adha. Cela fut affirmé d'Ibn Omar et d'Ibn Mas'ud et de Ali. Donc pas de mal, cela est permis de faire le takbir juste après la salat. Par contre, comme il a dit, cependant, ne pas le faire en cœur. Chacun le fait pour lui-même, de son côté. Et tu peux également commencer par le takbir directement et faire tes askar après. M'afficher, fiada. La baisse. Après, ils disent que le takbir, elle est takbiri, siratul muayyana. Est-ce qu'il y a une façon particulière de le faire? Il a dit, le takbir, tu le fais de toutes les façons qui est venu avec une preuve. De toute façon qui a été portée avec une preuve, tu le fais. Par exemple, selon Ibn Omar, c'est venu par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Oui, walillahi alhamd. Et selon Ibn Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar Takbira, Allahu Akbar ou Ajal. Et également toujours selon lui, selon Salman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira. Il n'y a pas vraiment de façon particulière de le faire. Les Sahaba ils ont différentes façons de le faire, nous on fait comme eux. On n'a pas de nouvelle façon de faire. Et ici au Yémen, une façon qui est très répandue, qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, wa alhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila, La ilaha illahu, wa la ilaha illallah wahdahu, sadaqa wahdah, wa nasaru abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah, La ilaha illahu, wa la ilaha illallah, la na'buda illa iyyahu, mukhlisina lahu ad-din, wa la kariha al-kafirun. C'est celle que tu vas entendre aussi, bien longue. Celle-ci ira, cette façon de faire, elle a été stipulée par l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Umm. Et comme beaucoup de gens au Yémen se prétendent être Shafi'iyah, du mazhab Shafi'ite, ils le font. Cela, suivant les directives de l'imam Shafi'i. Donc maintenant, il dit celui qui fait cela, qui dit ce takbir là sans croire que c'est une sira de la sunna et qu'il faut l'imposer, quelque chose à dire, il a dit pas de mal. Si quelqu'un l'a dit comme ça là, il m'a fiché. Il faut pas qu'il ait pour croyance que cela est la seule façon de faire et la meilleure et la plus, ce qui rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de blâmer ceux qui ne sont pas comme lui. Parce que si les gens, j'ai pas vu ici quand t'as sana, ils le faisaient, je me rappelle, après chaque salat ils se retournaient, ils faisaient tout ça ensemble en cœur. Je crois que si jamais tu venais, tu ne faisais pas comme eux, tu prenais des éclairs de leur regard, comme on dit. Tu étais très très très mal vu. Donc il dit ça, mais j'ose. Si quelqu'un ne fait pas comme toi, tu n'as pas à mal le regarder ou à le critiquer. Toi, tu veux faire comme ça, cha'anouk, fais-le. Ne le fais pas en cœur et ne l'impose pas aux autres, en fait. Azakos kalami. Mais il dit que cette façon, les autres façons sont les meilleures. De dire trois fois Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'est la plus simple, la plus connue, la plus facile. En tout cas, il n'y a pas besoin de façon particulière, mais le meilleur, c'est de faire comme les sahaba, ils ont fait. Hakadha, qal. Et il finit également en disant que le takbir peut être fait à n'importe quel moment. Il n'est pas spécifié de le faire qu'après les salawat. Tu veux le faire après les salawat, tu peux le faire. Et tu veux le faire à un autre moment, tu peux le faire aussi à un autre moment. Tu marches dans la rue, dans les marchés ou quoi, fais le takbir, c'est une ibada. C'est une ibada. Et Allah, il aime cela. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Takbir dans la rue, en France, tous ces jours-ci, je crois que tu vas avoir des problèmes. Tu vas passer pour un terroriste, pour je ne sais pas qui. Tu vas faire le takbir, les gens vont croire que tu as une bombe dans ton sac, ou que tu vas faire un attentat, ou je ne sais pas quoi. Fais attention à ça aussi. Voilà, mafsada al-maslaha. Pendant la rue, tu cries la wakbar comme ça dans la rue en France, je te le déconseille. Entre frères à la baisse, mais dans les rues comme ça, là, où il n'y a pas de moussim avec des koufars, et Anil Arsen, il fait ça à un moment où il n'y aura pas de problème. Alors là, ce n'est pas obligatoire de faire le takbir. Et en France, le takbir, là, c'est le, pour eux, c'est le, on va dire, le cri de guerre des musulmans. Donc, faire attention à ça, les frères, de ne pas faire trop de takbirat, à un moment, ça pourrait vous coûter cher, malheureusement. Donc, demain, Inch'Allah, on finira la signification, Bismillah Ta'ala. Ma foumada. Faïla Huna, wa alhamdulillah, rabbil alamin.